Et si on allait danser? Le festival de Cannes, présidé par Tennessee Williams, est terminé. Cette année, Faustine n'a reçu qu'une seule place, Monsieur Klein de Joseph Losey, en matinée. Elle n'a rien compris au film et s'est fait tartir comme un rat mort. Malheureusement, Taxi Driver, le Martin Scorsese dont tout le monde parle, lui a passé sous le nez. On dit qu'il remportera probablement la Palme d'Or cette année. Le Grand Prix sera attribué à Cria Quarvos de Carlos Saura. Ces jours de congé, Faustine les passe à rôder sur la croisette dans l'espoir d'entrevoir une star, si possible mâle, une starlette faute de mieux ou encore un producteur qui remarquerait sa beauté incomparable et lui offrirait dans l'instant le rôle de sa vie. Ni les uns ni les autres ne se montrant, Faustine remit ses espoirs de gloire au vestiaire. Elle prend la prochaine correspondance vers Grasse. Après tout, rien ne vaut un beau bouquin. Elle a découvert la vie devant soi d'Émile Ajar, alias Romain Gary, et se délecte sur sa chaise longue, riant toute seule. L'autre semaine, sa mère lui a passé La vie après la vie de Raymond Moody. La jeune femme qui l'a dévorée a senti ses angoisses nocturnes à propos de la mort s'atténuer progressivement. Elle aimerait bien les voir disparaître enfin. Les semaines se suivent désormais au rythme des leçons de conduite. Faustine ne cache pas qu'elle adore ça. Sitôt qu'elle a pigé le fonctionnement du véhicule, elle devient accro. Ses longues heures à la machine à coudre, à poser galon sur coton au millimètre près, lui ont donné l'œil. Elle progresse à roue de géant. Sa monitrice est contente. Elles sont vite devenues amies. Tutoiement de rigueur. France est une très belle femme. Vraie, fausse blonde? Comme elle le fait malicieusement remarquer, la réponse est dans la boîte noire. Pulpeuse, mieux généreuse, drôle et spontanée, elle représente le type même de la bonne copine. Un peu trop bonne peut-être, car à son grand regret, les hommes n'hésitent pas à la remplacer sitôt qu'elle leur a tout donné. France transite conséquemment d'une histoire de cœur à l'autre. Divorcée, deux enfants adolescents, elle est toujours à 35 ans un cœur à prendre. Aussi s'entendent-elles comme la renaisse en foire. Elles sortent volontiers les samedis soirs dans les petits bals des environs. Celle qui pointe le moins haut sur les kilomètres prend le volant au retour. Et bien sûr, c'est souvent l'élève qui s'y colle, sa prof ne pouvant se permettre de perdre à la fois son permis et son job. Un qui a eu chaud aux fesses, c'est le cavalier de Faustine à leur dernière sortie. Un CRS en plus, voulant accompagner la jeune femme, le malheureux s'est laissé attendrir. Trop imbibé pour réagir, il lui a abandonné son volant. Faustine a perdu la maîtrise du véhicule dans le virage juste au-dessus de chez elle et a caressé toutes les voitures parquées sur le trottoir. Le jeune flic, déjà en retard pour son couvre-feu, ne s'étant pas attardé plus, n'ayant pas rappelé, Faustine ne connaîtra jamais les suites de cet incident. Elle gardera un souvenir ému de son danseur, troublé au point qu'il lui a confié lors d'un slow langoureux, qu'elle était souple comme une escalope. Mi-juin, Faustine n'a toujours pas trouvé le studio de ses rêves dans les petites annonces du journal local. Le bouche-à-oreille n'a pas fonctionné non plus. Le congé de son logement actuel est déjà donné pour la fin du mois. La tension monte. Finalement, maman suggère qu'elle mette elle-même une petite annonce. Aussitôt dit, aussitôt fait. À peine a-t-elle raccroché le téléphone que Miss Lee et Dudu appellent coup sur coup. Miss Lee, Florence de son prénom, est une dame qui travaille pour la Muller et compagnie à domicile. Elle viendra livrer la semaine prochaine. Durieux, Dudu pour les intimes, est le représentant de commerce qui rayonne dans la moitié sud de la France. Agnès étant, elle, affectée à la partie nord. Il s'annonce dès la fin de l'après-midi, et bien sûr, il est chaleureusement invité à souper. Personne n'ignore dans la famille que Dudu traverse une mauvaise passe conjugale. Ça arrangerait bien maman que Faustine s'amourache de lui. La mère ferait d'une pierre deux coups. se fidéliser son voyageur de commerce tout en gardant sa fille sous le coude dans l'éventualité que les deux reprennent la boîte un jour. Manipulatrice comme pas deux, elle a depuis quelque temps ébauché un lent travail de sable contre Bernard, ne supportant pas qu'il ait plus d'influence qu'elle sur sa fille. Depuis qu'il est retourné en Suisse, maman accumule, pique et sous-entendu. C'est sûr que ça arrangerait tout le monde, sauf Faustine. Pas folle, la jeune femme évite les repas arrangés. Ce soir, elle n'est pas libre. L'annonce de recherche d'appartement a paru. Faustine attend les résultats. Un matin, on sonne à la grille. S'y présente Madame Serra. Une femme très âgée, vêtue de noir, comprendrait facilement pour une mendiante. Elle est venue proposer un studio qu'elle possède, aménagé dans la bergerie qui jouxte sa maison. Elle souhaite faire connaissance avec les parents de son éventuel futur locataire. Sous son regard d'aigle, toute la famille se soumet à une inspection scrupuleuse. Faustine présentant toutes les garanties de sérieux, solvabilité et propreté attendues, Madame Serra lui signifie qu'elle est la bienvenue pour visiter le studio si elle le souhaite. Souhaite, tu parles, plutôt deux fois qu'une. Tout le monde, logeuse comprise, s'entasse dans la déesse. Ils vont visiter l'objet immobilier, comme on dit, situé route de la Marigarde, dans une ancienne bergerie rénovée. Quelle merveille de studio! On y entre par une toute petite salle à manger, ou grand hall, qui donne droit sur une kitchenette. À gauche de la cuisine, une chambre à coucher carrelée de tomettes. De l'autre côté, des toilettes séparées et une douche lavabo. La fenêtre de la chambre, comme celle de la cuisine, ont au moins 50 cm de profondeur. Elles ouvrent sur un petit canal bordé d'oliviers vénérables. Un jour, Faustine apprendra qu'il s'agit du même canal de la Siagne qui a vu se promener le peintre Pierre Bonnard un peu plus bas vers le Canet. L'ensemble de l'habitation fait environ 25 mètres carrés pour la modeste somme de 750 francs par mois. Le moins cher des taudis qu'on a soumis à Faustine jusqu'à présent coûte au moins le double. Madame Serra explique qu'elle ne souhaite pas traiter ses locataires comme le font ses escrocs de la ville. L'arrière du logis donne sur des champs cultivés. Un décrochement un peu plus loin permettra à la jeune fille de garer sa future voiture. En attendant qu'elle conduise, Madame Serra montrera à Faustine comment rejoindre à pied la route de Cannes par un raccourci à travers la campagne. Pour Faustine, cette proposition de logement tient du miracle. Elle n'aurait pu rêver mieux. Cerise sur le clafoutis, l'ancien locataire a eu le bon goût de laisser un immense lit double dans la chambre à coucher, ainsi qu'une grosse armoire à vêtements. Papa et maman proposent une table de cuisine, des chaises et même une méridienne qui irait bien dans la salle à manger. Il faudra rajouter un chauffage électrique et quelques étagères. La cuisinière fonctionne au gaz. C'est le garage du Carrefour qui détient les bonbonnes. Dans la salle de bain, il y a un chauffe-eau tout neuf. Faustine signe d'emblée et Pama paye la caution. Faustine peut emménager tout de suite. La place est libre. Elle ne se le fait pas dire deux fois. Dès le lendemain, aidée de papa, elle transfère ses affaires d'un studio à l'autre. Pendant quelques jours, la vie de Faustine est un tourbillon. Habiller son home, sweet home, c'est tellement génial. Tout le monde est mis à contribution. Des tablards sont commandés sur catalogue à la Redoute, alors que maman, de son côté, en profite pour se débarrasser de toutes ses vieilleries. Un vieux couvre-lit en fausse fourrure qui a fait son temps, de la vaisselle dépareillée, des casseroles, des plats de service, du linge de table, de lit et de toilette. Elle donne même sa petite machine à laver Calor, accompagnée de la planche et du fer à repasser. Les trajets se multiplient, que papa accomplit avec une bonne humeur inhabituelle. Peut-être est-il rassuré. Faustine n'a pas l'intention de prendre la fuite dans l'immédiat. Il aide la jeune femme à transporter les meubles lourds, un secrétaire et la méridienne promise. Il lui prête sa perceuse. Elle lui montre comment mettre un tampon dans le mur. et lui apprend aussi à changer les ampoules, fixer les abat-jour. Faustine connaît désormais tout sur les branchements de dominos électriques. Un beau soir, tout est prêt. Alors, Faustine s'ouvre une bouteille de mousseux, emplit son verre, allume sa petite radio et danse, danse, danse de joie.